L'actualité à Nancy et ailleurs. Un forum alternance, ce sera ce mercredi 8 juin à l'autre canal. Ce sera à partir de 9h, organisé donc par la Maison de l'Emploi du Grand Nancy. Éléonore Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée de mission pour la Maison de l'Emploi et la mission locale du Grand Nancy. Ce forum alternance, vous l'adressez à quel public ? Le forum alternance, c'est à la fois donc un forum qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, parce que effectivement l'alternance, c'est le contrat d'apprentissage, c'est celui qu'on connaît le plus, mais c'est aussi les contrats de professionnalisation avec des possibilités d'embauche, toujours en alternance, pour des personnes plus âgées. C'est une porte d'entrée vers l'emploi qui est de plus en plus prisée. Tout à fait. Alors, on continue à faire la promotion des dispositifs tant auprès des publics que des entreprises. Mais il semblerait, il y a eu quand même aussi beaucoup d'aide aux côtés des entreprises pour les embauches. Mais il semblerait qu'on s'oriente aussi vers un développement de ces contrats-là. Écoutez, c'est quand même le meilleur moyen pour préparer l'avenir et puis former les jeunes et les adultes pour les emplois de demain dans son entreprise. Donc là, ça va se passer à l'autre canal. Pourquoi ce lieu particulièrement ? Écoutez, c'est un lieu qui est tout à fait pratique pour ce genre de manifestation parce qu'on occupe effectivement toute la halle interne de l'autre canal. On va exploiter aussi tout le parking avec l'ensemble des centres de formation des apprentis et d'autres organismes de formation. Et cette année, on a une petite innovation. On prévoit aussi un petit zoom sur les métiers de la filière bois, forêt et nature. Et là, on sera sous la halle ouverte qui est vraiment à 100 mètres de l'autre canal. Voilà. Et puis, c'est un lieu aussi qui est évidemment bien connu du jeune public. Exactement. Alors, sur place, on va retrouver, je crois, une soixantaine d'entreprises et de centres de formation, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Avec de nombreuses opportunités de fait pour trouver quelque chose qui puisse convenir à chacun. Voilà, parce qu'on a vraiment tous les niveaux de diplômes qui sont, vous savez, l'alternance, c'est CAP au diplôme d'ingénieur. Et puis aussi, on a pratiquement tous l'éventail des secteurs d'activité qui est représenté. Après, il faut se donner aussi un petit peu le choix de la découverte et vraiment, on invite le public à venir rencontrer les entreprises qui sont là, à rencontrer les organismes de formation, les centres de formation des apprentis. Ça peut leur donner quand même beaucoup d'idées pour la suite. Vous avez cité donc la filière bois qui sera notamment bien représentée. D'autres secteurs, notamment des secteurs en tension tels que la santé, la restauration seront présentés aussi ? Oui, tout à fait. Oui. Alors évidemment, les secteurs en tension, mais on a un petit peu tout cette analyse-là en ce moment, c'est qu'on se rend compte que la plupart des secteurs sont en tension, c'est-à-dire qu'avant, on connaissait la restauration, le bâtiment, les services à la personne, mais c'est quand même un phénomène qui, là, actuellement, touche toutes les entreprises et les secteurs d'activité. Donc, c'est pourquoi elles sont quand même assez, volontaires pour participer au salon et au forum de l'emploi, pour pouvoir effectivement repérer, recruter, échanger avec de futurs salariés. Avec la diversité de ce qui va être présenté ce jour-là, c'est parfois aussi l'occasion de trouver d'autres idées, vous l'avez dit, avec une certaine ouverture d'esprit pour se réorienter, pourquoi pas ? Ben oui, tout à fait. Là, on a vraiment, je me répète, mais un ensemble de secteurs d'activité qui est représenté. À la fois, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est tout à fait l'endroit où il faut aller. Comme ça, ça permet aussi de découvrir des choses dont on n'a pas connaissance du tout ou qui ne nous parlaient pas. Et puis, effectivement, quand on n'est pas bien ou plus bien dans son métier, dans son poste, tout à fait, on a des perspectives pour pouvoir changer de métier, tout simplement. Donner donc une occasion d'accélérer ses recherches en rencontrant des recruteurs et des centres de formation. Ce sera le mercredi 8 juin, c'est à partir de 9h, c'est toute la journée jusqu'à 17h, avec une petite pause à midi. On vient avec son CV ? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup, Éléonore Marchal. C'est nous. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.